compète comme affilé. Impossible de me faufiler. Prends-moi à l'heure comme un gérant. J'suis toujours en retard comme la police. Midi minuit, merci Sevran. Midi minuit, merci Grigny. Midi minuit, merci Bif Bif. Minuit midi, j'suis au tolo. Matrix c'est par les anciens qui parlent que de crime et qui parlent que de sous. 18 ans, j'ai plus de 10 000 euros. Beaucoup sont passés pour des gros mythos. Si fut courant, j'ai jamais parlé trop. Pour être ce que je suis, j'ai dû sortir les crocs. Les patrons de boîte veulent me voir solo. Je sors du Woody, oublie qu'on est trop. Midi minuit, merci quartier. Midi minuit, merci Paris. Midi minuit, merci Rinkus. Je remercie même le Val Fouré. Deux trous sur le bandit, une cagoule. Gavrosse toute l'année, j'trouve ça cool. J'suis trop perturbé à la soul. Mademoiselle la prof, j'veux des sous. J'ai pété la mairie. T'as plus peur des keufs, t'as ton guéri. Tu refais le look de ta chérie. Tu montes sur l'écran comme un cheval. Midi, midi des minuit. De temps en temps ça tire des ennuis. Aujourd'hui c'est poulet au menu. La garde à vue sera la cuisine. Inutile de taffer, 1200 euros c'est pété. Patron, je vais pas te le répéter. Votre contrat je ne peux pas respecter. Je dois sortir ma petite du patelin. Nerveux, je veux de la maille des sous. Je ne sais pas combien. Euros, euros, dollars, dollars, des livres. Même des francs CFA. Midi minuit, merci Nanterre. Midi minuit, merci Marseille. Midi minuit, merci Lyon. Je remercie même le bois la baie. Deux trous sur le bonnet, une cagoule. Gavrosse toute l'année, je trouve ça cool. Je suis trop perturbé à la soul. Mademoiselle la prof, je veux des sous.